Mon invisible bâtiment se couvre de ces tons de voix inexprimables. Et se précipite les allégresses. L'homme de joie soudaine. Un son fervent se répercute dans les contours du vent. Des jours de rien, c'est dans le cœur, c'est dans la beauté de notre corps. Un danger infini, au maître de l'amour, sans mesure, il ne meurt jamais qu'il sort de son gîte, l'éternel instant de l'éternel vie. Que vienne tous les carrières, qui sort de son gîte, l'éternel instant.